Livre deuxième, chapitre 6. La cruche cassée. Après avoir couru à toutes jambes pendant quelque temps, sans savoir où, donnant de la tête à maint coin de rue, enjambant maint ruisseau, traversant mainte ruelle, maint cul-de-sac, maint carrefour, cherchant fuite et passage à travers tous les méandres du vieux pavé des Halles, explorant dans sa peur panique ce que le beau latin des Chartes appelle « totavia cheminum evaria », notre poète s'arrêta tout à coup, d'essoufflement d'abord, puis saisi en quelque sorte au collet par un dilemme qui venait de surgir dans son esprit. « Il me semble, maître Gringoire, se dit-il à lui-même en appuyant son doigt sur son front, que vous courez là comme un écervelé. Les petits drôles n'ont pas eu moins peur de vous que vous d'eux. Il me semble, vous dis-je, que vous avez entendu le bruit de leurs sabots qui s'enfuyaient au midi, pendant que vous vous enfuyiez au Septentrion. Hors de deux choses l'une, où ils ont pris la fuite, et alors la paillasse qu'ils ont dû oublier dans leur terreur, et précisément ce lit hospitalier après lequel vous courez depuis ce matin, et que Madame la Vierge vous envoie miraculeusement pour vous récompenser d'avoir fait en son honneur une moralité accompagnée de triomphe et de momerie. Ou les enfants n'ont pas pris la fuite, et dans ce cas ils ont mis le brandon à la paillasse. Et c'est là, justement, l'excellent feu dont vous avez besoin pour vous réjouir, sécher et réchauffer. Dans les deux cas, bon feu ou bon lit, la paillasse est un présent du ciel. La benoîte Vierge Marie, qui est au coin de la rue Montconseil, n'a peut-être fait mourir Eustache Maubon que pour cela. Et c'est folie à vous de vous enfuir ainsi sur traîne-boyau, comme un picard devant un Français, laissant derrière vous ce que vous cherchez devant. Et vous êtes un sot. » Alors il revint sur ses pas, et s'orientant et furetant, le nez au vent et l'oreille aux aguets, il s'efforça de retrouver la bienheureuse paillasse. Mais en vain. Ce n'était qu'intersection de maisons, cul-de-sac, pattes-doigts, au milieu desquels il hésitait et doutait sans cesse. Plus empêché, plus englué dans cet enchevêtrement de ruelles noires, qu'il ne lui était dans le dédalus même de l'hôtel des Tournelles. Enfin, il perdit patience et s'écria solennellement « Maudits soient les carrefours! C'est le diable qui les a faits à l'image de sa fourche !» Cette exclamation le soulagea un peu, et une espèce de reflet rougeâtre, qu'il aperçut en ce moment au bout d'une longue et étroite ruelle, acheva de relever son moral. « Dieu soit loué » dit-il. « C'est là-bas !» « Voilà ma paillasse qui brûle !» Et, se comparant aux nochers qui sombrent dans la nuit, « Salvé !» ajouta-t-il pieusement. « Salvé, Maristella !» Adressait-il ce fragment de litanie à la Sainte Vierge ou à la paillasse? C'est ce que nous ignorons parfaitement. À peine avait-il fait quelques pas dans la longue ruelle, laquelle était en pente, non pavée, et de plus en plus boueuse et inclinée, qu'il remarqua quelque chose d'assez singulier. Elle n'était pas déserte. Ça et là, dans sa longueur, rampait je ne sais quelle masse vague et informe, se dirigeant toute vers la lueur qui vacillait au bout de la rue, comme ces lourds insectes qui se traînent la nuit, de brin d'herbe en brin d'herbe, vers un feu de pâtre. Rien ne rend aventureux comme de ne pas sentir la place de son gousset. Gringoire continua de s'avancer, et eut bientôt rejoint celle de ses larves, qui se traînaient de plus en plus paresseusement à la suite des autres. En s'en approchant, il vit que ce n'était rien autre chose qu'un misérable cul de jatte, qui sautelait sur ses deux mains, comme un faucheux blessé qui n'a plus que deux pattes. Au moment où il passa près de cette espèce d'araignée à face humaine, elle éleva vers lui une voix lamentable. « La buona mancia, signor, la buona mancia !» Que le diable t'emporte, dit Gringoire, et moi avec toi si je sais ce que tu veux dire. Et il passa outre. Il rejoignit une autre de ces masses ambulantes et l'examina. C'était un perclus, à la fois boiteux et manchot, et si manchot et si boiteux que le système compliqué de béquilles et de jambes de bois qui le soutenait lui donnait l'air d'un échafaudage de maçon en marche. Gringoire, qui avait les comparaisons nobles et classiques, le compara dans sa pensée au trépied vivant de Vulcain. Ce trépied vivant le salua au passage, mais en arrêtant son chapeau à la hauteur du menton de Gringoire, comme un plat à barbe, et en lui criant aux oreilles « Señor Caballero, para comprar un pedazo de pan !» Il paraît, dit Gringoire, que celui-là parle aussi, mais c'est une rude langue, et il est plus heureux que moi s'il la comprend. Puis, se frappant le front par une subite transmission d'idées, « À propos, que diable voulait-il dire ce matin avec leur Esmeralda ?» Il voulut doubler le pas, mais pour la troisième fois, quelque chose lui barra le chemin. Ce quelque chose, ou plutôt ce quelqu'un, c'était un aveugle, un petit aveugle à face juive et barbu, qui, ramant dans l'espace autour de lui avec un bâton et remorqué par un gros chien, lui nasilla avec un accent hongrois « Facito te caritatem !»« Ah, la bonne heure !» dit Pierre Gringoire. « En voilà un enfin qui parle un langage chrétien. Il faut que j'aie la mine bien aumônière pour qu'on me demande ainsi la charité dans l'état de maigreur où est ma bourse. Mon ami, et il se tournait vers l'aveugle, j'ai vendu la semaine passée ma dernière chemise, c'est-à-dire, puisque vous ne comprenez que la langue de Cicéro, vendidi hebdomade, nu per transita meam ultimam chemisam. » Cela dit, il tourna le dos à l'aveugle et poursuivit son chemin. Mais l'aveugle se mit à allonger le pas en même temps que lui. Et voilà que le perclus, voilà que le cul de jatte, surviennent de leur côté avec grande hâte et grand bruit d'écuelles et de béquilles sur le pavé. Puis, tous trois, s'entreculbutant aux trousses du pauvre Gringoire, se mirent à lui chanter leur chanson. « Caritatem !» chantait l'aveugle. « La buona mancia !» chantait le cul de jatte. Et le boiteux relevait la phrase musicale en répétant « Un pedazo de pan !» Gringoire se boucha les oreilles. « Oh, tour de Babel » s'écria-t-il. Il se mit à courir. L'aveugle courut, le boiteux courut, le cul de jatte courut. Et puis, à mesure qu'il s'enfonçait dans la rue, cul de jatte, aveugle, boiteux, pullulaient autour de lui, et des manchots et des borgnes et des lépreux avec leurs plaies, qui, sortant des maisons, qui, de petites rues adjacentes, qui, des soupiraux des caves, hurlant, beuglant, glapissant, tous clopin-clopant, ca-un-ca-a, se ruant vers la lumière et vautrés dans la fange comme des limaces après la pluie. Gringoire, toujours suivi par ses trois persécuteurs et ne sachant trop ce que cela allait devenir, marchait, effaré au milieu des autres, tournant les boiteux, enjambant les culs de jatte, les pieds empêtrés dans cette fourmilière déclopée comme ce capitaine anglais qui s'enlisa dans un troupeau de crabes. L'idée lui vint d'essayer de retourner sur ses pas, mais il était trop tard. Toute cette légion s'était refermée derrière lui, et ses trois mendiants le tenaient. Il continua donc, poussé à la fois par ce flot irrésistible, par la peur et par un vertige qui lui faisait de tout cela une sorte de rêve horrible. Enfin, il atteignit l'extrémité de la rue. Elle débouchait sur une place immense où mille lumières éparses vacillaient dans le brouillard confus de la nuit. Gringoire s'y jeta, espérant échapper par la vitesse de ses jambes aux trois spectres infirmes qui s'étaient cramponnés à lui. « En débasse, hombre !» cria le perclus, jetant là ses béquilles et courant après lui avec les deux meilleures jambes qui eussent jamais tracé un pas géométrique sur le pavé de Paris. Cependant, le cul de jatte, debout sur ses pieds, coiffait Gringoire de sa lourde jatte ferrée, et l'aveugle le regardait en face avec des yeux flamboyants. « Où suis-je ? » dit le poète terrifié. « Dans la cour des miracles !» répondit un quatrième spectre qui les avait accostés. « Sur mon âme, reprit Gringoire, je vois bien les aveugles qui regardent et les boiteux qui courent, mais où est le sauveur ?» Ils répondirent par un éclat de rire sinistre. Le pauvre poète jeta les yeux autour de lui. Il était en effet dans cette redoutable cour des miracles où jamais honnête homme n'avait pénétré à pareille heure. Cercle magique où les officiers du Châtelet et les sergents de la prévôté qui s'y aventuraient disparaissaient en miettes. Cité des voleurs, hideuse verrue à la face de Paris, égout d'où s'échappait chaque matin et où revenait croupir chaque nuit, ce ruisseau de vices, de mendicité et de vagabondage, toujours débordé dans les rues des capitales. Ruche monstrueuse, où rentraient le soir avec leur butin tous les frelons de l'ordre social. Hôpital menteur où le bohémien, le moine défroqué, l'écolier perdu, les vauriens de toutes les nations, espagnols, italiens, allemands, de toutes les religions, juifs, chrétiens, mahométans, idolâtres, couverts de plaies fardées, mendiant le jour, se transfiguraient la nuit en brigands. Immense vestiaire en un mot, où s'habillaient et se déshabillaient à cette époque tous les acteurs de cette comédie éternelle que le vol, la prostitution et le meurtre jouent sur le pavé de Paris. C'était une vaste place, irrégulière et mal pavée, comme toutes les places de Paris alors. Des feux autour desquels fourmillaient des groupes étranges y brillaient çà et là. Tout cela allait, venait, criait. On entendait des rires aigus, des vagissements d'enfants, des voix de femmes. Les mains, les têtes de cette foule noire sur le fond lumineux y découpaient mille gestes bizarres. Par moments, sur le sol, où tremblait la clarté des feux, mêlée à de grandes ombres indéfinies, on pouvait voir passer un chien qui ressemblait à un homme qui ressemblait à un chien. Les limites des races et des espèces semblaient s'effacer dans cette cité, comme dans un pandémonium. Hommes, femmes, bêtes, âge, sexe, santé, maladie, tout semblait être en commun parmi ce peuple, tout allait ensemble, mêlé, confondu, superposé. Chacun y participait de tout. Le rayonnement chancelant et pauvre des feux permettait à Gringoire de distinguer à travers son trouble, tout alentour de l'immense place, un hideux encadrement de vieilles maisons dont les façades vermoulues, ratatinées, rabougries, perçaient chacune d'une ou deux lucarnes éclairées, lui semblaient dans l'ombre d'énormes têtes de vieilles femmes rangées en cercle, monstrueuses et rechignées, qui regardaient le sabbat en clignant des yeux. C'était comme un nouveau monde, inconnu, inouï, difforme, reptile, fourmillant, fantastique. Gringoire, de plus en plus effaré, pris par les trois mendiants comme par trois tenailles, assourdi d'une foule d'autres visages qui moutonnaient et aboyaient autour de lui, le malencontreux Gringoire tâchait de rallier sa présence d'esprit pour se rappeler si l'on était à un samedi. Mais ses efforts étaient vains, le fil de sa mémoire et de sa pensée était rompu. Et, doutant de tout, flottant de ce qu'il voyait à ce qu'il sentait, il se prisait cette insoluble question. « Si je suis, cela est-il ? Si cela est, suis-je ?» En ce moment, un cri distinct s'éleva dans la cohue bourdonnante qui l'enveloppait. « Menons-le au roi ! Menons-le au roi ! » !»« Sainte Vierge !» murmura Gringoire. « Le roi d'ici, ce doit être un bouc !»« Au roi ! Au roi !» répétèrent toutes les voix. On l'entraîna. Ce fut à qui mettrait la griffe sur lui. Mais les trois mendiants ne lâchaient pas prise et l'arrachaient aux autres en hurlant « Il est à nous !» Le pourpoint déjà malade du poète rendit le dernier soupir dans cette lutte. En traversant l'horrible place, son vertige se dissipa. Au bout de quelques pas, le sentiment de la réalité lui était revenu. Il commençait à se faire à l'atmosphère du lieu. Dans le premier moment, de sa tête de poète ou peut-être tout simplement et tout prosaïquement de son estomac vide, il s'était élevé une fumée, une vapeur pour ainsi dire, qui, se répandant entre les objets et lui, ne les lui avait laissé entrevoir que dans la brume incohérente du cauchemar, dans ces ténèbres des rêves qui font trembler tous les contours, grimacer toutes les formes, s'agglomérer les objets en groupes démesurés, dilatant les choses en chimères et les hommes en fantômes. Peu à peu, à cette hallucination, succéda un regard moins égaré et moins grossissant. Le réel se faisait jour autour de lui, lui heurtait les yeux, lui heurtait les pieds, et démolissait pièce à pièce toute l'effroyable poésie dont il s'était cru d'abord entouré. Il fallut bien s'apercevoir qu'il ne marchait pas dans le Styx, mais dans la boue, qu'il n'était pas coudoyé par des démons, mais par des voleurs, qu'il n'y allait pas de son âme, mais tout bonnement de sa vie. Puisqu'il lui manquait ce précieux conciliateur qui se place si efficacement entre le bandit et l'honnête homme, la bourse. Enfin, en examinant l'orgie de plus près et avec plus de sang-froid, il tomba du sabbat au cabaret. La cour des miracles n'était en effet qu'un cabaret, mais un cabaret de brigands, tout aussi rouge de sang que de vin. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux, quand son escorte en guenille le déposa enfin, au terme de sa course, n'était pas propre à le ramener à la poésie, fût-ce même à la poésie de l'enfer. C'était plus que jamais la prosaïque et brutale réalité de la taverne. Si nous n'étions pas au XVe siècle, nous dirions que Gringoire était descendu, de Michel-Ange, à Callot. Autour d'un grand feu qui brûlait sur une large dalle ronde et qui pénétrait de ses flammes les tiges rougies d'un trépied vide pour le moment, quelques tables vermoulues étaient dressées çà et là au hasard, sans que le moindre laquais géomètre eût daigné ajuster leur parallélisme ou veiller à ce qu'au moins elles ne se coupassent pas à des angles trop inusités. Sur ces tables reluisaient quelques pots ruisselants de vin et de cervoise, et autour de ces pots se groupaient force visages bachiques, empourprés de feu et de vin. C'était un homme à gros ventre et à joviale figure qui embrassait bruyamment une fille de joie, épaisse et charnue. C'était une espèce de faux soldat, un narquois comme on disait en argot, qui défaisait en sifflant les bandages de sa fausse blessure et qui dégourdissait son genou sain et vigoureux emmailloté depuis le matin dans mille ligatures. Au rebours, c'était un malingreux qui préparait avec de l'éclair et du sang de bœuf sa jambe de dieu du lendemain. Deux tables plus loin, un coquillard avec son costume complet de pèlerin épelait la complainte de sainte reine sans oublier la psalmodie et le nasillement. Ailleurs, un jeune hubin prenait le son d'épilepsie d'un vieux sabouleux qui lui enseignait l'art d'écumer en mâchant un morceau de savon. À côté, un hydropique se dégonflait et faisait boucher le nez à quatre ou cinq larronesses qui se disputaient à la même table un enfant volé dans la soirée. Toutes circonstances qui, deux siècles plus tard, semblèrent si ridicules à la cour, comme dit Sauval, qu'elles servirent de passe-temps au roi et d'entrée au ballet royal de la nuit, divisé en quatre parties et dansé sur le théâtre du Petit Bourbon. Jamais, ajoute un témoin oculaire de 1653, les subites métamorphoses de la cour des miracles n'ont été plus heureusement représentées. Bensarade nous y prépara par des vers assez galants. Le gros rire éclatait partout, et la chanson obscène. Chacun tirait à soi, glosant et jurant sans écouter le voisin. Les pots trinquaient, et les querelles naissaient au choc des pots, et les pots ébréchés faisaient déchirer les haillons. Un gros chien, assis sur sa queue, regardait le feu. Quelques enfants étaient mêlés à cette orgie. l'enfant volé qui pleurait et criait, un autre gros garçon de 4 ans, assis, les jambes pendantes sur un banc trop élevé, ayant de la table jusqu'au menton et ne disant mot. Un troisième étalant gravement avec son doigt sur la table le suif en fusion qui coulait d'une chandelle. Un dernier, petit, accroupi dans la boue, presque perdu dans un chaudron qu'il raclait avec une tuile et dont il tirait un son à faire évanouir Stradivarius. Un tonneau était près du feu et un mendiant sur le tonneau. C'était le roi sur son trône. Les trois qui avaient Gringoire l'amenèrent devant ce tonneau et toute la bacchanale fit un moment silence, excepté le chaudron habité par l'enfant. Gringoire n'osait souffler ni lever les yeux. « Hombre, quitta ta sombrero !» dit l'un des trois drôles à qui il était. Et avant qu'il eût compris ce que cela voulait dire, l'autre lui avait pris son chapeau. « Misérable bicoquet, il est vrai, mais bon encore, un jour de soleil ou un jour de pluie. » Gringoire soupira. Cependant, le roi du haut de sa futaille lui adressa la parole. « Qu'est-ce que c'est que ce maraud ?» Gringoire tressaillit. Cette voix, quoique accentuée par la menace, lui rappela une autre voix qui, le matin même, avait porté le premier coup à son mystère en nasillant au milieu de l'auditoire « La charité, s'il vous plaît !» Il leva la tête. C'était en effet Clopin Trouillefou. Clopin Trouillefou, revêtu de ses insignes royaux, n'avait pas un haillon de plus ni de moins. Sa plaie au bras avait déjà disparu. Il portait à la main un de ces fouets à lanières de cuir blanc dont se servaient alors les sergents à verge pour serrer la foule et que l'on appelait « boulaille ». Il avait sur la tête une espèce de coiffure cerclée et fermée par le haut, mais il était difficile de distinguer si c'était un bourrelet d'enfant ou une couronne de roi, tant les deux choses se ressemblent. Cependant, Gringoire, sans savoir pourquoi, avait repris quelque espoir en reconnaissant dans le roi de la cour des miracles son maudit mendiant de la grande salle. « Maître, balbutia-t-il, monseigneur, sire, comment dois-je vous appeler ? » dit-il enfin, arrivé au point culminant de son crescendo et ne sachant plus comment monter ni redescendre. « Monseigneur, sa majesté ou camarade, appelle-moi comme tu voudras, mais dépêche, qu'as-tu à dire pour ta défense ?»« Pour ta défense, pensa Gringoire, ceci me déplaît. » Il reprit en bégayant, « Je suis celui qui ce matin... »« Par les ongles du diable !» interrompit Clopin. « Ton nom, Maraud, et rien de plus. Écoute, tu es devant trois puissants souverains. Moi, Clopin Trouillefour, roi de Thunes, successeur du grand Coësre. Suzerain suprême du royaume de l'Argot. Mathias Ungadis Picali, duc d'Égypte et de Bohême, ce vieux jaune que tu vois là avec un torchon autour de la tête. Guillaume Rousseau, empereur de Galilée, ce gros qui ne nous écoute pas et qui caresse une ribaude. Nous sommes tes juges. Tu es entré dans le royaume d'Argot sans être argotier. Tu as violé les privilèges de notre ville. Tu dois être puni, à moins que tu ne sois capon, franc mitou, rifaudé. C'est-à-dire dans l'argot des honnêtes gens, voleurs, mendiants ou vagabonds. Es-tu quelque chose comme cela? Justifie-toi, décline tes qualités. Hélas, dit Gringoire, je n'ai pas cet honneur. Je suis l'auteur. Ça suffit, reprit Trouillefou sans le laisser achever. Tu vas être pendu. Chose toute simple, messieurs les honnêtes bourgeois. Comme vous traitez les nôtres chez vous, nous traitons les vôtres chez nous. La loi que vous faites aux truands, les truands vous la font. C'est votre faute si elle est méchante. Il faut bien qu'on voie de temps en temps une grimace d'honnête homme au-dessus du collier de chanvre. Cela rend la chose honorable. Allons, l'ami, partage gaiement tes guenilles à ces demoiselles. Je vais te faire pendre pour amuser les truands et tu leur donneras ta bourse pour boire. Si tu as quelque momerie à faire, il y a là-bas dans les grugeoires un très bon Dieu le Père en pierre que nous avons volé à Saint-Pierre-aux-Bœufs. Tu as 4 minutes pour lui jeter ton âme à la tête. La harangue était formidable. « Bien dit sur mon âme, Clopin Trouillefou prêche comme un saint père le pape, s'écria l'empereur de Galilée en cassant son pot pour étayer sa table. Mes seigneurs les empereurs et rois, dit Gringoire avec sang-froid, car je ne sais comment la fermeté lui était revenue, et il parlait résolument. Vous n'y pensez pas. Je m'appelle Pierre Gringoire. Je suis le poète dont on a représenté ce matin une moralité dans la grande salle du palais. Ah, c'est toi, maître, dit Clopin. J'y étais par la tête Dieu. Eh bien, camarade, est-ce une raison parce que tu nous ennuyais ce matin pour ne pas être pendu ce soir? J'aurai de la peine à m'en tirer, pensa Gringoire. Il tenta pourtant encore un effort. Je ne vois pas pourquoi, dit-il, les poètes ne sont pas rangés parmi les truands. Vagabond, Ésopus le fut. Mendiant, Homérus le fut. Voleur, Mercurius l'était. Clopin l'interrompit. Je crois que tu veux nous mettre à graboliser avec ton grimoire. Pardieu, laisse-toi pendre et pas tant de façon. Pardon, monseigneur le roi de Thunes, répliqua Gringoire, disputant le terrain de pied à pied. Cela en vaut la peine. Un moment, écoutez-moi. Vous ne me condamnerez pas sans m'entendre. Sa malheureuse voix, en effet, était couverte par le vacarme qui se faisait autour de lui. Le petit garçon raclait son chaudron avec plus de verve que jamais. Et pour comble, une vieille femme venait de poser sur le trépied ardent une poêle pleine de graisse qui glapissait au feu avec un bruit pareil au cri d'une troupe d'enfants qui poursuit un masque. Cependant, Clopin Trouillefou parut conférer un moment avec le duc d'Égypte et l'empereur de Galilée, lequel était complètement ivre. Puis il cria aigrement « Silence donc !» Et comme le chaudron et la poêle à frire ne l'écoutaient pas et continuaient leur duo, il sauta à bas de son tonneau, donna un grand coup de pied dans le chaudron qui roula à 10 pas avec l'enfant, un coup de pied dans la poêle dont toute la graisse se renversa dans le feu, et il remonta gravement sur son trône, sans se soucier des pleurs étouffés de l'enfant, ni des grognements de la vieille, dont le souper s'en allait en belles flammes blanches. Trouillefou fit un signe, et le duc et l'empereur et les archisuppôts et les cagous vinrent se ranger autour de lui en un fer à cheval, dont Gringoire, toujours rudement appréhendé au corps, occupait le centre. C'était un demi-cercle de haillons, de guenilles, de clinquants, de fourches, de haches, de jambes avinées, de gros bras nus, de figures sordides, éteintes et hébétées. Au milieu de cette table ronde de la gueuserie, Clopin Trouillefou, comme le doge de ce sénat, comme le roi de cette pairie, comme le pape de ce conclave, dominait d'abord de toute la hauteur de son tonneau, puis de je ne sais quel air hautain, farouche et formidable, qui faisait pétiller sa prunelle et corrigeait dans son sauvage profil le type bestial de la race truande. On eût dit une hure parmi des groins. « Écoute, dit-il à Gringoire, en caressant son menton difforme avec sa main calleuse. Je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas pendu. Il est vrai que cela a l'air de te répugner. Et c'est tout simple, vous autres bourgeois, vous n'y êtes pas habitués. Vous vous faites de la chose une grosse idée. Après tout, nous ne te voulons pas de mal. Voici un moyen de te tirer d'affaire pour le moment. Veux-tu être des nôtres ?» On peut juger de l'effet que fit cette proposition sur Gringoire, qui voyait la vie lui échapper et commençait à lâcher prise. Il s'y rattacha énergiquement. « Je le veux, certes, bellement, » dit-il. « Tu consens ?» reprit Clopin. « À t'enrôler parmi les gens de la petite flambe ?»« De la petite flambe, précisément, » répondit Gringoire. « Tu te reconnais membre de la franche bourgeoisie, » reprit le roi de Thunes. « De la franche bourgeoisie. Sujet du royaume d'Argot ?»« Du royaume d'Argot. »« Truand ?»« Truand. »« Dans l'âme ?»« Dans l'âme. » »« Je te fais remarquer, reprit le roi, que tu n'en seras pas moins pendu pour autant. »« Diable ! » dit le poète. « Seulement, continua Clopin, imperturbable, tu seras pendu plus tard avec plus de cérémonie, aux frais de la bonne ville de Paris, à un beau gibet de pierre. » Et par les honnêtes gens, c'est une consolation. Comme vous dites, répondit Gringoire. Il y a d'autres avantages. En qualité de franc-bourgeois, tu n'auras à payer ni boue, ni pauvre, ni lanterne, à quoi sont sujets les bourgeois de Paris. Ainsi soit-il, dit le poète. Je consens, je suis truand argotier, frambourgeois, petite flambe, tout ce que vous voudrez. Et j'étais tout cela d'avance, monsieur le roi de Thunes, car je suis philosophe, et omnia in philosophia, omnes in philosopho continentur, comme vous savez. » Le roi de Thunes fronça le sourcil. « Pour qui me prends-tu, l'ami? Quel argot de juif de Hongrie nous chantes-tu là? Je ne sais pas l'hébreu. Pour être bandit, on n'est pas juif. Je ne vole même plus. Je suis au-dessus de cela. Je tue. Coupe-gorge, oui. Coupe-bourse, non. » Gringoire tâcha de glisser quelque excuse à travers ces brèves paroles, que la colère saccadait de plus en plus. « Je vous demande pardon, monseigneur, ce n'est pas de l'hébreu, c'est du latin. »« Je te dis, reprit Clopin avec emportement, que je ne suis pas juif, et que je te ferai pendre, ventre de synagogue, ainsi que ce petit marcandier de Judée qui est auprès de toi, et que j'espère bien voir clouer un jour sur un comptoir comme une pièce de fausse monnaie qu'il est. » En parlant ainsi, il désignait du doigt le petit juif hongrois barbu qui avait accosté Gringoire de son « Facito te caritatem » et qui, ne comprenant pas d'autres langues, regardait avec surprise la mauvaise humeur du roi de Thunes débordée sur lui. Enfin, monsieur Clopin se calma. « Marot, dit-il à notre poète, « tu veux donc être truand ?»« Sans doute, répondit le poète. « Ce n'est pas le tout de vouloir, dit le bourru Clopin. La bonne volonté ne met pas un oignon de plus dans la soupe, et n'est bonne que pour aller en paradis. Or, paradis et argot sont deux. Pour être reçu dans l'argot, il faut que tu prouves que tu es bon à quelque chose, et pour cela, que tu fouilles le mannequin. « Je fouillerai, dit Gringoire, tout ce qu'il vous plaira. » Clopin fit un signe. Quelques argotiers se détachèrent du cercle et revinrent un moment après. Ils apportaient deux poteaux terminés à leur extrémité inférieure par deux spatules en charpente qui leur faisaient prendre aisément pied au sol. À l'extrémité supérieure des deux poteaux, ils adaptèrent une solive transversale et le tout constitua une fort jolie potence portative que Gringoire eut la satisfaction de voir se dresser devant lui en un clin d'œil. Rien n'y manquait, pas même la corde qui se balançait gracieusement au-dessous de la traverse. « Où veulent-ils en venir ?» se demanda Gringoire avec quelque inquiétude. Un bruit de sonnette qu'il entendit au même moment mit fin à son anxiété. C'était un mannequin que les truands suspendaient par le cou à la corde, espèce d'épouvantail aux oiseaux, vêtu de rouge, et tellement chargé de grelots et de clochettes qu'on eût pu en harnacher 30 mules castillanes. Ces 1000 sonnettes frissonnèrent quelque temps aux oscillations de la corde, puis s'éteignirent peu à peu et se turent enfin quand le mannequin eut été ramené à l'immobilité par cette loi du pendule qui a détrôné la clepsydre et le sablier. Alors Clopin, indiquant à Gringoire un vieil escabeau chancelant placé au-dessous du mannequin, « Monte là-dessus !»« Mort diable !» objecta Gringoire. « Je vais me rompre le cou !» « Votre escabelle boite comme un distique de Martial. Elle a un pied hexamètre et un pied pentamètre. »« Monte !» reprit Clopin. Gringoire monta sur l'escabeau et parvint, non sans quelques oscillations de la tête et des bras, à y retrouver son centre de gravité. « Maintenant, poursuivit le roi de Thunes, tourne ton pied droit autour de ta jambe gauche et dresse-toi sur la pointe du pied gauche. »« Monseigneur, dit Gringoire, « vous tenez donc absolument à ce que je me casse quelques membres. » Clopin hocha la tête. « Écoute, l'ami, tu parles trop. Voilà en deux mots de quoi il s'agit. Tu vas te dresser sur la pointe du pied, comme je te le dis. De cette façon, tu pourras atteindre jusqu'à la poche du mannequin. Tu y fouilleras. Tu en tireras une bourse qui s'y trouve. Et si tu fais tout cela, sans qu'on entende le bruit d'une clochette, c'est bien, tu seras truand. Nous n'aurons plus qu'à te rouer de coups pendant 8 jours. « Ventre Dieu, je n'aurai garde, dit Gringoire, et si je fais chanter les sonnettes ?»« Alors, tu seras pendu, comprends-tu »« Je ne comprends pas du tout, répondit Gringoire. »« Écoute encore une fois, tu vas fouiller le mannequin et tu lui prendras sa bourse. Si une seule sonnette bouge dans l'opération, tu seras pendu, comprends-tu cela ?»« Bien, dit Gringoire, je comprends cela, après... » « Si tu parviens à enlever la bourse sans qu'on entende les grelots, tu es truand, et tu seras roué de coups pendant 8 jours consécutifs. Tu comprends sans doute maintenant. Non, monseigneur, je ne comprends plus. Où est mon avantage? Pendu dans un cas, battu dans l'autre. Et truand, reprit Clopin. Et truand, n'est-ce rien? C'est dans ton intérêt que nous te battrons, afin de t'endurcir au cou. Grand merci, répondit le poète. Allons, dépêchons, dit le roi en frappant du pied sur son tonneau, qui résonna comme une grosse caisse. Fouille le mannequin et que cela finisse. Je t'avertis une dernière fois que si j'entends un seul grelot, tu prendras la place du mannequin. La bande des argotiers applaudit aux paroles de Clopin et se rangea circulairement autour de la potence avec un rire tellement impitoyable que Gringoire vit qu'il les amusait trop pour n'avoir pas tout à craindre d'eux. Il ne lui restait donc plus d'espoir, si ce n'est la frêle chance de réussir dans la redoutable opération qui lui était imposée. Il se décida à la risquer, mais ce ne fut pas sans avoir adressé d'abord une fervente prière au mannequin qu'il allait dévaliser et qui eût été plus facile à attendrir que les truands. Cette myriade de sonnettes avec leurs petites langues de cuivre lui semblait autant de gueules d'aspic ouvertes prêtes à mordre et à siffler. « Oh ! Disait-il tout bas, est-il possible que ma vie dépende de la moindre des vibrations, du moindre de ces grelots ? Oh ! Ajoutait-il les mains jointes. « Sonnette, ne sonnez pas. Clochette, ne clochez pas. Grelot, ne grelottez pas. » Il tenta encore un effort sur Trouillefou. « Et s'il survient un coup de vent ? » lui demanda-t-il. « Tu seras pendu, » répondit l'autre sans hésiter. Voyant qu'il n'y avait ni répit, ni sursis, ni faux fuyant possible, il prit bravement son parti. Il tourna son pied droit autour de son pied gauche, se dressa sur son pied gauche et étendit le bras. Mais, au moment où il touchait le mannequin, son corps qui n'avait plus qu'un pied chancela sur l'escabeau qui n'en avait que 3. Il voulut machinalement s'appuyer au mannequin, perdit l'équilibre et tomba rudement sur la terre, tout assourdi par la fatale vibration des 1000 sonnettes du mannequin qui, cédant à l'impulsion de sa main, décrivit d'abord une rotation sur lui-même, puis se balança majestueusement entre les 2 poteaux. « Malédiction ! » s'écria-t-il en tombant, et il resta comme mort, la face contre terre. Cependant, il entendait le redoutable carillon au-dessus de sa tête et le rire diabolique des truands et la voix de Trouillefou qui disait « Relevez-moi le drôle et pendez-le-moi rudement !» Il se leva. On avait déjà dérobé le mannequin pour lui faire place. Les argotiers le firent monter sur l'escabeau. Clopin vint à lui, lui passa la corde au cou et lui frappant sur l'épaule. « Adieu, l'ami. Tu ne peux plus échapper maintenant. Quand même tu digérerais avec les boyaux du pape. » Le mot « grâce » expira sur les lèvres de Gringoire. Il promena ses regards autour de lui, mais aucun espoir. Tous riaient. Belle ville de l'étoile, dit le roi de Thunes à un énorme truand qui sortit des rangs. Grimpe sur la traverse. Belle vigne de l'étoile monta lestement sur la solive transversale, et au bout d'un instant, Gringoire, en levant les yeux, le vit avec terreur accroupi sur la traverse au-dessus de sa tête. Maintenant, reprit Clopin Trouillefou, dès que je frapperai des mains, André le Rouge, tu jetteras l'escabelle à terre d'un coup de genou. François Chanteprune, tu te pendras au pied du maraud. Et toi, belle vigne, tu te jetteras sur ses épaules. Et tous 3 à la fois, entendez-vous ? Gringoire frissonna. Y êtes-vous ? Dit Clopin Trouillefou aux 3 argotiers, prêts à se précipiter sur Gringoire, comme 3 araignées sur une mouche. Le pauvre patient eut un moment d'attente horrible. Pendant que Clopin repoussait tranquillement du bout du pied dans le feu quelques brins de sarment que la flamme n'avait pas gagnés. Y êtes-vous ? Répéta-t-il. Et il ouvrit ses mains pour frapper. Une seconde de plus, c'en était fait. Mais il s'arrêta, comme averti par une idée subite. « Un instant, dit-il, j'oubliais. Il est d'usage que nous ne pendions pas un homme sans demander s'il y a une femme qui en veut. Camarade, C'est ta dernière ressource. Il faut que tu épouses une truande ou la corde. » Cette loi bohémienne, si bizarre qu'elle puisse sembler au lecteur, est aujourd'hui encore écrite tout au long dans la vieille législation anglaise. Voyez Burrington's Observation. Gringoire respira. C'était la seconde fois qu'il revenait à la vie depuis une demi-heure. Aussi, n'osait-il trop s'y fier. « Hola !» cria Clopin remonté sur sa futaille. « Hola, femme, femelle! Y a-t-il parmi vous, depuis la sorcière jusqu'à la chatte, une ribaude qui veuille de ce ribaud ? Hola, Colette la Charonne, Élisabeth Trouvin, Simone Jodouin, Marie Piedebout, Tonne la Longue, Bérard de Fanuel, Michel Grenaille, Claude Rongeoreille, Mathurine Giraudroux, hola Isabeau Lathierry, venez et voyez, un homme pour rien qui en veut. » Gringoire, dans ce misérable état, était sans doute peu appétissant. Les truandes se montrèrent médiocrement touchées de la proposition. Le malheureux les entendit répondre « Non, non, pendez-le, il y aura du plaisir pour toutes. » Trois, cependant, sortirent de la foule et vinrent le flairer. La première était une grosse fille à face carrée. Elle examina attentivement le pourpoint déplorable du philosophe. La souquenille était usée et plus trouée qu'une poêle à griller les châtaignes. La fille fit la grimace. « Vieux drapeau » grommela-t-elle. Et s'adressant à Gringoire, « Voyons ta cape. »« Je l'ai perdue, » dit Gringoire. « Ton chapeau ?» « On me l'a pris. » « Tes souliers ?» « Il commence à n'avoir plus de semelles. » « Ta bourse ?» « Hélas !» bégaya Gringoire. « Je n'ai pas un denier parisis. »« Laisse-toi pendre et dis merci !» répliqua la truande en lui tournant le dos. La seconde, vieille, noire, ridée, hideuse, d'une laideur à faire tache dans la cour des miracles, tourna autour de Gringoire. Il tremblait presque qu'elle ne voulût de lui. Mais elle dit entre ses dents « Il est trop maigre !» et s'éloigna. La troisième était une jeune fille assez fraîche et pas trop laide. « Sauvez-moi !» lui dit à voix basse le pauvre diable. Elle le considéra un moment d'un air de pitié, puis baissa les yeux, fit un pli à sa jupe et resta indécise. Il suivait des yeux tous ses mouvements. C'était la dernière lueur d'espoir. « Non !» dit enfin la jeune fille. « Non !» Guillaume Longuejoue me battrait. » Elle rentra dans la foule. « Camarade, dit Clopin, tu as du malheur. » Puis, se levant debout sur son tonneau, « Personne n'en veut » cria-t-il en contrefaisant l'accent d'un huissier-priseur à la grande gaieté de tous. « Personne n'en veut. Une fois, deux fois, trois fois. » Et, se tournant vers la potence avec un signe de tête, « Adjugé !» Belle vigne de l'étoile, Andry le Rouge, François Chanteprune se rapprochèrent de Gringoire. En ce moment, un cri s'éleva parmi les argotiers. « La Esmeralda ! La Esmeralda !» Gringoire tressaillit et se tourna du côté d'où venait la clameur. La foule s'ouvrit et donna passage à une pure et éblouissante figure. C'était la bohémienne. « La Esmeralda !» dit Gringoire, stupéfait au milieu de ses émotions, de la brusque manière dont ce mot magique nouait tous les souvenirs de sa journée. Cette rare créature paraissait exercer, jusque dans la cour des miracles, son empire de charme et de beauté. Argotiers et argotières se rangeaient doucement à son passage, et leur brutale figure s'épanouissait à son regard. Elle s'approcha du patient avec son pas léger. Sa jolie Djali la suivait. Gringoire était plus mort que vif. Elle le considéra un moment en silence. « Vous allez pendre cet homme ? » dit-elle gravement à Clopin. « Oui, sœur, répondit le roi de Thunes, à moins que tu ne le prennes pour mari. » Elle fit sa jolie petite moue de la lèvre inférieure. « Je le prends, » dit-elle. Gringoire, ici, crut fermement qu'il n'avait fait qu'un rêve depuis le matin et que ceci en était la suite. La péripétie, en effet, quoique gracieuse, était violente. On détacha le nœud coulant On fit descendre le poète de l'escabeau. Il fut obligé de s'asseoir tant la commotion était vive. Le duc d'Égypte, sans prononcer une parole, apporta une cruche d'argile. La bohémienne la présenta à Gringoire. « Jetez-la à terre, » lui dit-elle. La cruche se brisa en 4 morceaux. « Frère, » dit alors le duc d'Égypte, en leur imposant les mains sur le front, « elle est ta femme. Sœur, il est ton mari, pour 4 ans. Allez !»